Pourquoi c'est toujours les mêmes? On gère facilement le thème. Je crois que t'aimes cette façon de faire le jazz. Pourquoi c'est nous les best? Les mêmes gars dans cette maisonnette. Bosse comme visionnaire, t'assumes pas notre façon de faire. Ouais. Je veux la rare bitch, le talent méga s'arrifie. Je me roule un spliff, tout s'amplifie. Je comprends même plus ce qui m'arrive. J'entends ma voix sur Chenify. Plug BNB sur Nice, c'est mieux l'immeuble, il est tout chien. Ah ah, toute ma team en déplacement. On fait pas semblant, non c'est dead. Quand on la fluidité dans les gestes. Prépare ta nuque, prépare ta pute, on te rassure. Lions ont pas dû, lions ont sur scène en vrai assure. Yeah, lions ont sur scène en vrai assure. Yeah, yeah, yeah. Lions ont, yeah, yeah. Je le ferai pas sans mon gang. À skip, ça nous saigne, pote, toi, joie les signes. On récolte ce que l'on sème. Et son groupe juge si je fume du nocif. Sur scène, mes gosilles. Je m'installe, c'est cosy. Je vais la ken ce coup-ci. Je vais la ken ce coup-ci. Je vais la ken ce coup-ci. Ce soir, je suis au studio toute la noche. J'ai fumé, teasé, c'était dosé. SMS, Daniel, please savoir si je suis OP. Nous avons forte conce comme OD. Ce soir, je suis au studio toute la noche. J'ai fumé, teasé, c'était dosé. SMS, Daniel, please savoir si je suis OP. Nous avons forte conce comme OD. Sur scène en vrai assez.